Salut, vous écoutez Radio Klaxon et aujourd'hui on va parler de l'occupation des terres, ici à la ZAD, mais aussi ailleurs à Rennes, en Espagne et en Honduras. On va commencer avec ce qui s'est passé ici, à Notre-Dame-des-Landes. Et ici, AGO, Aéroport Grand Ouest, c'est l'ensemble de Vinci et d'autres entreprises comme la Chambre de l'Industrie et de Commerce et Biotope ont écrit une lettre aux agriculteurs qui les offre d'utiliser des terres gratuitement. On va lire cette lettre et écouter ce que des gens différents en pensent. Et cette lettre a été écrite il y a quelques semaines et les réactions sont un peu en ordre chronologique. On a parlé avec des squatteurs, mais aussi avec des agriculteurs, ce qui n'était pas facile. Il n'y avait juste pas beaucoup qui voulaient s'exprimer à la radio. Bonne écoute. Hello, you're listening to Radio Klaxon. And today we're going to talk about the occupation of land here on the ZAD, but also elsewhere in Rennes, in Spain and in Honduras. And we're going to start with what happened here in Notre-Dame-des-Landes. And here AGO, Aéroport Grand Ouest, that's Vinci and some others like the Industrial Chamber and also Biotope, they wrote a letter to the farmers offering them to use land for free. And we're going to read this letter and listen to what people have to say about this. And well, this letter has been written 3 weeks ago, so the reactions are going to be in chronological order. And we talked to squatters, but we also talked to some farmers, which wasn't really easy because simply the majority of them didn't want to talk to the radio. Stay tuned. Yeah, our lives fucked up. No doubt. All this shit we go through every day. Sometimes a nigga don't know what the fuck to do. But see, I got my niggas. And we gon' organize the people army. And we gon' get control over our own lives. And I mean that shit right there from the bottom of my shit. I change. Yeah. Imagine having no running water to drink. Chemicals contaminate the pipes leading to your sink. Just think, if the grocery stores close their doors and they saturate the streets with tanks and start martial law, would you be ready for civil war? Could you take the life of somebody you know or have feelings for them necessary? I got cousins in the military, but far as I'm concerned, they die when they register. This world is oh so cold. I think about my ancestors being sold, and it make me wanna break the mold. Fuck the goal and the party. Train yourself, clean your shouty. Tell me what you gonna do to get free. We need more than MCs. We need Hueys, the revolutionaries, the niggas on the streets today. It's kinda scary. The smell around my way ain't roses or strawberries. In fact, it's kinda poisonous, bringing out the boy in us. But I'ma stand up on my own like a man do. Dominate the land and make wealth like Fu Manchu. Yes, the people's army stick together like glue. We represent the I Ching, and to this we stand true. Military formation, anyone participation is welcome. Each one teach one, son help son. Just one gun is all it take to get it started. Living in the wilderness of the West, we cold hearted. If you don't think it can happen, think again, my son. Be prepared for the worst has yet to come. We want freedom, prophecies of ancient wisdom. Cataclysm, niggas be like, fuck the system. If you don't think it can happen, think again, my son. Be prepared for the worst has yet to come. We want freedom, prophecies of ancient wisdom. Cataclysm, niggas be like, fuck the system. I don't wanna be no movie star. I don't wanna drive no fancy car. I just wanna be free to live my life, to live my own life. Yeah, I'm for peace, but I kill you if you fuck with my moms or my niece. See, we all want peace, but the problem is crackers want a bigger piece. Got it where the niggas can't get a piece. That's why police get stabbed and shot, cause a nigga can't eat if the av is hot. Locked up, you get 3 hot meals in one cot. Then you sit and rot. Now never even got a fair shot. That's where a whole lot of niggas end up. My man Moms even got sent up, trying to keep the rent up. When I'm bent up, I think a lot about the reason I'm here. I think about the things I fear in the coming years ahead of me. I'm ready for whatever they bring, though. I go against a tank with a shank for my dreams, and that's my fucking word. One day the whole world will smoke herb, and niggas won't get took to jail for hanging on the curb. If you don't think it can happen, think again, my son. Be prepared for the worst ass yet to come. We want freedom, prophecies of ancient wisdom, cataclysm. Niggas be like, fuck the system. If you don't think it can happen, think again, my son. Be prepared for the worst ass yet to come. We want freedom, prophecies of ancient wisdom, cataclysm. Niggas be like, fuck the system. I don't wanna be no movie star, and I don't wanna drive no fancy car. I just wanna be free to live my life, to live my own life. If you don't think it can happen, think again, my son. Be prepared for the worst as yet to come. We want freedom, prophecies of ancient wisdom, cataclysm. Niggas be like, fuck the system. If you don't think it can happen, think again, my son. Be prepared for the worst as yet to come. We want freedom, prophecies of ancient wisdom, cataclysm. Niggas be like, fuck the system. Lié par AGO au destinataire suivant. Exploitant agricole impacté par les emprises du projet d'aéroport et sa desserte routière. Nantes, le 19 mars 2012. Madame, Monsieur, depuis 2011, les maîtres d'ouvrage AGO et DREAL ont engagé des démarches amiables d'acquisition foncière et d'éviction agricole dans l'objectif de maîtriser les terrains en 2013. Certaines exploitations ont d'ores et déjà fait le choix d'anticiper ce calendrier et par conséquent, des surfaces agricoles importantes, 96,7192 hectares, à l'intérieur des zones d'emprise du projet, se trouvent libres d'exploitation pour cette année 2012. Le maître d'ouvrage AGO et la profession agricole souhaitent que ces surfaces agricoles continuent d'être exploitées jusqu'à la date limite des premiers travaux. Le comité consultatif foncier Notre-Dame-des-Landes, composé de 4 syndicats agricoles, de la SAFER et de l'ADECA, réuni le 15 mars dernier, a été saisi de cette question par AGO. Les représentants ont alors souhaité que ces superficies soient en priorité proposées aux exploitants agricoles directement impactés par les emprises du projet. AGO propose une mise à disposition gratuite de ces terrains qui sera formalisée au travers d'un prêt à usage. Étant entendu que cette mise en exploitation n'est valable que pour l'année 2012 et ne conférera aucun droit aux exploitations qui en bénéficieront. Aussi, dans la mesure où votre exploitation est directement concernée par les emprises du projet, nous vous invitons à faire connaître votre éventuelle candidature pour exploiter ces surfaces avant le 28 mars 2012, dernier délai, pour pouvoir rapidement engager les premiers travaux agricoles. À cet effet, vous trouverez une cartographie des surfaces agricoles disponibles pour que vous puissiez préciser les parcelles susceptibles de vous intéresser. Les candidatures sont à adresser directement à la Chambre d'agriculture par courrier à l'adresse suivante. Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique, direction territoire environnement à l'attention d'Axel Guéraud, rue Pierre-Adolphe Beaupierre. La Guéraudière, 44939 Nantes-Cedex 9 ou directement par mail à axel.guéraud@loireatlantique.chambagri.fr. Par la suite, les candidatures réceptionnées avant le 28 mars 2012 seront examinées lors du prochain comité consultatif foncier Notre-Dame-des-Landes. À l'issue, une proposition de mise d'attribution sera adressée au maître d'ouvrage AGO qui restera le décisionnaire au final. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez également contacter votre conseiller Axel Guéraud à la Chambre d'agriculture au 02 53 46 61 94 ou les représentants des maîtres d'ouvrage Jean-Louis Bouquet, aéroport du Grand Ouest au 06 09 71 51 24. Ou directement par mail à jeanlouis.bouquet@aéroportgrandouest.com.

Et après, on en retrouve 6 au niveau du village, ainsi qu'une au-dessus de la Belischroute. St. George's Hill, a ragged band they called the Diggers came to show the people's will. They defied the landlords, they defied the laws, they were the dispossessed reclaiming what was theirs. We come in peace, they said, to dig and sow. We come to work the land in common and to make the wasteland grow. This earth divided, we will make whole. So it can be a common treasury for all. The sin of property we do disdain. No one has any right to buy and sell the earth for private gain. By theft and murder they took the lands. Now everywhere the walls rise up at their command. They make the laws to chain us well. The clergy dazzle us with heaven, or they damn us into hell. We will not worship the God they serve, the God of greed who feeds the rich while poor men starve. We work, we eat together, we need no swords. We will not bow to masters or pay rent to the lords. We are free men, though we are poor. You diggers all stand up for glory, stand up now. From the men of property, the orders came. They sent the hired men and troopers to wipe out the diggers' claim, tear down their cottages, destroying their corn. They were dispersed, only the vision lingers on. Ye poor take courage, ye rich take care. The earth was made a common treasury for everyone to share. All things in common, all people one. We come in peace, the order came to cut them down. Bah, du coup, on voit bien à la lecture de ce courrier à la fois de quelle manière AGO cherche à se débarrasser de la gestion d'un chantier qui est très compliqué du fait des occupations, en sous-traitant ça à la Chambre d'Agriculture, et à la fois à diviser, à monter les uns contre les autres, les occupants et les paysans. Puisqu'on voit bien que la plupart des terres qui sont disponibles sont souvent soit des terres qui sont déjà sur lesquelles il y a déjà des gens installés, ou sinon des terres sur lesquelles il y aurait pu y avoir des projets d'occupation, etc. Et AGO l'explique clairement dans la lettre, en disant que sa démarche a pour objectif de maîtriser les terrains en 2013, ce qui sous-entend qu'il ne maîtrise pas les terrains aujourd'hui, à la fois du fait de l'occupation et du fait de la résistance un peu timide des propriétaires. Et le but, en fait, c'est qu'il n'y ait pas d'occupation jusqu'au début des travaux sur ces terrains-là, quoi. Donc, comme ils le disent eux-mêmes, là, certaines exploitations ont d'ores et déjà fait le choix d'anticiper ce calendrier. Nanani nanana. Le maître d'ouvrage AGO et la profession agricole souhaitent que ces surfaces agricoles continuent d'être exploitées jusqu'à la date limite des premiers travaux. Le but, c'est qu'il y ait toujours une présence d'un exploitant agricole jusqu'au début des travaux. Qu'ensuite les travaux commencent, l'exploitant agricole s'en va. Et du coup, il n'y a pas de lutte sur ce terrain-là, quoi. Et en fait, ce qui est assez bien vu et bien joué de leur part, c'est qu'ils cherchent vraiment à diviser paysans et squatteurs. Et ça marche plus ou moins parce que, en fait, la plupart des paysans jouent le jeu d'Aéroport Grand Ouest. À savoir qu'on voit bien ici que cette démarche a été validée par le comité consultatif foncier Notre-Dame-des-Landes, qui est composé des 4 syndicats agricoles et de la DECA, l'association des exploitants concernés par l'aéroport, qui donc vraiment est dans une démarche d'opposition de façade à l'aéroport. Parce qu'elle accompagne totalement le projet plutôt que de s'y opposer, et qu'ils ont beau nous, des fois, nous renvoyer à oui, ça fait 30 ans qu'on lutte et tout. On voit bien que la plupart d'entre eux, ils ont vendu. On voit bien que là, il y en a parmi eux qui vont prendre des terres gratuitement plutôt qu'elles soient occupées. Alors que, en fait, il suffisait qu'ils occupent déjà les terrains de base. À partir du moment où il y a le transfert de propriété à AGO, ils auraient très bien pu lancer une occupation, une grève des loyers et s'opposer concrètement au projet. Sauf que ça, ils le font pas. Ils le font pas parce qu'ils sont dans une démarche de négociation et que tout ce qui les intéresse, c'est d'avoir le plus d'indemnités possible avant de se barrer, quoi. Et du coup, bah, c'est un peu triste parce qu'à la fois, ça donne envie d'aller voir la DECA et de les mettre face à leurs contradictions et de leur dire à quel point ça sert pas la lutte ce qu'ils font. Et qu'ils ont beau nous renvoyer aux exemples du Larzac et tout, mais quand il y avait le moyen de s'opposer aux enquêtes publiques, quand il y avait le moyen de faire un groupement foncier agricole pour partager les terres et s'opposer au projet, ils l'ont pas fait. Et du coup, à la fois, ça arrange beaucoup à Géo, parce qu'au lieu que ce soit eux qui nous virent ou avec eux qu'on soit en conflit, bah, ils sous-traitent le conflit à des exploitants agricoles et qui, eux, rentrent en concurrence avec nous sur des enjeux de terre et de gestion foncière, alors qu'on pourrait lutter ensemble contre AGO en occupant ces terres collectivement avec les paysans, ce que, pour l'instant, l'immense majorité d'entre eux refuse catégoriquement, quoi. La terre est à tous, accueillons nos différences, comme mille fleurs, mille couleurs. La terre est à tous, partageons nos ressemblances, le plus beau est au fond de nos cœurs. AGO, they sent a letter to all the farmers or exploiters in Notre Dame, saying that they could freely exploit the parcels of land that are being vacated, and this letter was received by farmers 3 days before the protest in Nantes, and was seen as a way of causing conflict amongst the opponents to the airport, because already some farmers have decided to place applications with AGO to cultivate the land that has already been in part occupied by squatters for goats and other horses and donkeys. So this is like a way AGO is trying to cause conflict amongst us, the opponents. Right. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra anotándote 2 goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, frío. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío. La nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote. Un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando. Alors moi, en voyant ce courrier, en fait, je suis pris entre deux questions. C'est est-ce que les agriculteurs ont eu le temps de se concerter et savent entre eux quelles sont les différentes parcelles que l'un veut prendre ou que l'un ou l'autre voudrait prendre, ou est-ce qu'ils n'ont pas eu le temps de se concerter et du coup ils sont chacun positionnés par rapport à tel ou tel champ et vont se retrouver en conflit direct une fois que tu auras eu la réponse d'AGO par rapport à l'accès à un champ pour tel agriculteur alors qu'un autre agriculteur le souhaitait, et qu'au-delà de ça ces champs-là ils sont bien dans une zone qui est au niveau des squats. Donc ça fera un conflit direct avec les occupants qui ont peut-être ou pas des projets par rapport à ces champs-là, qui ont peut-être des cultures qu'ils vont planter, qu'ils souhaitent utiliser ces champs-là, et que par ce courrier-là, AGO leur dit que eux sont dans la légitimité, que eux seraient dans le droit d'utiliser ces champs-là, et que une fois de plus, nous serions pas sur ce tableau-là. Et en même temps, quand on voit le courrier, on voit comme quoi le comité consultatif foncier de Notre-Dame-des-Landes, composé des 4 syndicats agricoles, dont l'ADK, se serait réuni le 15 mars dernier et aurait été saisi de cette question par AGO. Donc à côté de ça, on se retrouve face à l'ADK qui, une fois de plus, se dit de droit d'avoir ces champs-là et ne nous prend même pas en compte en se disant voilà, sur tel champ il se passe telle activité, sur tel autre champ il y a une culture qui est en train de se lancer. Et c'est toujours par le biais de la légitimité, en fin de compte, qu'on obtient tel champ ou tel champ, et qu'à côté de ça, c'est pas du tout dans une mentalité de collectiviser les terres et de discuter ensemble des besoins de chacun par rapport à ce que chacun voudrait faire sur ces champs-là. Va, si dégage, la terre, on se la partage. Va, si dégage, la terre, on se la partage. Babylon, yeah, everywhere me walk and everywhere me go, me see brethren we sell them soul. And everywhere me go and everywhere me walk, me hear bad intention behind them talk. Yeah, everybody first thinks about his advantages, even the people you call your friends. The money give worth to things that ain't got no worth. That's why useless things mean so much to them. Yeah, money may pay what's a vanity, but it could never pay whatever we stay. Yeah, I'll say money, money, money. Go and get the money, money, money, money. Go and catch the money, money, money, money. Manipulation, I go and over like a storm. Say money, money, money. Go and catch the money, money, money, money. Go and snatch the money, money, money, money. Manipulation again. Boy, you take over like a storm. Say ooh. The cradle and Babylon at the grave of man. Yeah, well, it's brain Washington that seems to run Babylon. But as big economies pass through all white wash house, we bow down. Yeah, mutation of man and the reaction to them plan. Bad in Babylon, I go down in this time of revelation. Thank you. snatch the money, money, money, money. Go and catch the money, money, money, money. Manipulation, I go and why? It take over like a storm. Ah donc on a parlé avec les voisins à propos de cette lettre, enfin les voisins agriculteurs concernés. Et donc à l'origine, eux, il leur avait été dit que seraient concernés uniquement les paysans qui avaient des bails ou des expropriations en cours sur donc la ZAD. Et or là, d'après les dernières nouvelles, on s'est aperçu qu'en réalité, ils vont attribuer les terres un peu à tout le monde. Donc avec des gens qui sont, y compris des gens qui sont pas du tout concernés par, par les expulsions et les fins de bail. Detrás de cada pasa montaña, aquí la energía, la lucha pasan con ganas. La selva, la metra, el tatu, el barrio, la senda trazada, murales pintadas, autodefensa clandestina estimada, reforma radical, indígena, libertad social y cultural, autonomía, revolución, canción de protesta, la única solución, tierra y libertad, justicia y dignidad. Por eso se resiste cantando, por eso levantamos el puño gritando, por eso luchamos, por eso murieron tantos peleando. What are we waiting for? What are we fighting for? Is this my last sight? Is this my last fight? Zapata vit derrière chaque passe montagne. Ici c'est militant, pas narco, y'a pas de passe la canne. Entre la croix et la potence, les chars de l'armée fédérale et les communautés en résistance. Ma cité c'est le Chiapas, Macacu le symbole de la guerre sociale. Entre les cartes de CRS et les FAMAS on trace l'autonomie comme axe de lutte, l'autogestion de nos combats, l'autodéfense comme seul point de chute. Entre les lianes, le bitume et les cages, entre le soleil, le ciel gris et l'orage, la dureté de nos propos n'a d'égal que notre rage. Dans l'histoire de la redistribution des terres qui a été faite par, par la Chambre d'agriculture et AGO, il y a eu une lettre qui a été envoyée le 19 mars 2012 aux paysans, leur disant qu'il y avait des terres libres, il y avait 96 hectares de terres libres de surface agricole sur la ZAD, sur la zone qui allait être impactée par le projet d'aéroport. Et là, il y a des paysans qui ont demandé jusqu'à 160 hectares de terre à peu près, donc plus qu'il n'y en a. Et il y avait plusieurs îlots de terre disponibles et qui ont été répartis comme ça avec des paysans souvent de l'extérieur de la commune de Notre-Dame-des-Landes. Certains s'en servent pour vont s'en servir en tout cas pour spéculer un peu plus sur les matières premières, c'est-à-dire on va pouvoir faire du foin à bon compte avant que tout le reste soit bétonné, et alors que certains vont arrêter leur activité très prochainement. Et ce qui est déplorable dans cette histoire-là, c'est que la Chambre d'agriculture est en parfaite compromission avec AGO, et qu'au lieu de défendre les paysans et leur lutte, au lieu de défendre les terres agricoles qui sont en voie de disparition sur le département, eh ben là, elle ne fait que collaborer avec Vinci, avec les porteurs du projet d'aéroport, et oublie que ben il y a une agriculture qui existe ici, oublie que eh ben que produire aussi c'est ça nécessite des terres agricoles, et quelles que soient après les tractations qu'il y aura par rapport aux zones humides ou par rapport aux reconversions qu'il y aura pour les agriculteurs qui partiront. Mais aujourd'hui, la Chambre d'agriculture ne joue pas son rôle de défendre les terres agricoles et joue un rôle de collaborateur de Vinci, quoi. Et ça, nous, en tant qu'occupants de la ZAD, bon, déjà, nous, on n'a pas envie de négocier avec ceux qui vont détruire, mais c'est un acte de plus pour dire qu'on va rester, qu'il faut occuper ces terres, coûte que coûte, quelle qu'elle soit, parce que on n'a pas à les passer sous le béton, mais les occuper en ayant nous-mêmes nos projets agricoles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il existe le sabot qui fait du maraîchage. Aujourd'hui, il existe la chèvrerie au petit bois qui fait du lait de chèvre et qui fait des fromages avec plusieurs têtes de chèvre. Et que c'est, tous ces projets-là, mis bout à bout, vont prendre des hectares qui seraient bétonnés si on ne fait rien. Et pour montrer que bah, l'agriculture, elle est aussi, elle peut être aussi en lutte contre ces manigances et ces tractations qui se font derrière le dos des paysans, quoi. One funny thing is that some time ago, I think it was last year, there were some people that were kind of asking AGO or the Conseil General if they can use some of the fields that are not not used anymore by agriculture, that are just abandoned and standing empty. They kind of ask for some kind of permit or something, for some kind of agreement, and there the Conseil General was saying, no, this is not possible, this is it's finished with agriculture here, it's all there to be left standing, to be concreted at some moment, and right now they do exactly this. No, they do lend the land to farmers, but like in a big, yeah, in a big kind of like generous gesture of like giving it, obviously, like just with a contract, no, and like to official farmers and stuff, but. Voilà, like it's obvious that it's not at all to support agriculture, but to create a division between squatters and farmers, and like how they're using the land, and like to now to increase the tension and all this, and for us who are here, actually, it's like for us it's about sharing this land now, like to see with people who are here, and there's people who are still living here, there's people who still have an attachment to this land that are still working the land here, and we will continue to reappropriate land and to to use it together, and for this we don't need any kind of permission or authorization. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. On va continuer à utiliser ces terres collectivement et à les défendre. Pendant la semaine intergalactique, plusieurs champs ont été occupés et réappropriés. Non. Bienvenue sur nos terres. Ouais, ouais. Vas-y, dégage. Ici, c'est les terres aujourd'hui que AGO a racheté depuis 30 ans avec le Conseil Général. Et maintenant, ces terres-là vont servir à faire le barreau routier et le futur aéroport s'ils y arrivent. Ils n'y arriveront pas. Donc c'est des terres agricoles qu'on sauve du carnage à venir. Sur ce terrain, il y avait un paysan qui a laissé ses terres à AGO, qui n'a pas voulu lutter pour préserver ces terres agricoles. Mais c'est à nous aujourd'hui de montrer que ces terres, il faut les défendre, parce qu'il y a une urgence, c'est-à-dire qu'il y a l'aéroport, les travaux qui devraient commencer en 2013. Alors là, on va délimiter aujourd'hui les parcelles qu'on occupe. Il y a 16 hectares en tout. Avec le bois qui est derrière, c'est inclus dedans. 16 hectares with the wood behind. Ah ouais. Les terres qu'on va occuper aujourd'hui, elles vont servir pour l'activité de chèvres qu'on a mis en place déjà il y a un an. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les paysans déjà installés, il y a aussi des paysans sans terre qui ont besoin de terre pour s'installer. Et aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité de négocier avec AGO. Il faut qu'on soit dans une lutte de réappropriation. Alors aujourd'hui, on a déjà prévenu les paysans de Notre-Dame-des-Landes et de Vigneux de Bretagne. Et on voit aujourd'hui qu'ils brillent par leur absence. Mais c'est aussi pour leur dire qu'il y a une autre forme de paysannerie qui existe et d'autres moyens de lutter contre le projet de Vinci et d'AGO par la réappropriation des terres. Aujourd'hui, on ne négocie plus. On prend ce dont on a besoin. Bravo ! Alors, pour empêcher les paysans de venir faire du foin ici ou peut venir cultiver ces terres-là qui nous appartiennent aujourd'hui, on va délimiter les terrains avec de la peinture sur les poteaux. Il y a des banderoles qui seront posées, des panneaux qui seront posés aussi pour prévenir ceux qui arriveront par la route. Et après, une fois qu'on aura fini, on va faire des petits groupes pour faire le tour des terrains. Donc les terrains, ça va jusqu'en bas, au chemin qui va à la chèvrerie. Après, une fois qu'on est à la chèvrerie, quand on est comme ça devant le chemin, sur la droite, il y a un ancien chemin communal où il y a des arbres dedans. Enfin, et ceux qui connaissent, ils pourront faire voir. Et après, ça monte tout droit jusqu'aux Fosses Noires. Jusqu'à la route des Fosses Noires, sauf ce terrain-là. Après, on se rassemble ici. Et puis, je pense qu'on boira un coup, on ira manger. Et maintenant, bonne réappropriation. A song that came up on me one night when the news it had been telling me better one more war and one more fight, and I sighed, but then I thought about my friends. Then I wrote this declaration just in case the world end. Our guns, we shot them in the things we said. Oh, we didn't need no bullets, cause we rely on some words instead. Kill someone in argument, outwit them with our brains, and we kill ourselves are laughing at the funny things we say. We're bombs. We had them safe for special times when the crew would call us shakedown. We break down our party landmine. Women are so sexy, they explode us with their looks. Are we blowing up some speakers, jumping around to the ground, shook our missiles? They were the road trips that we launched, a trip tripping across this silence, starting missions at the break of dawn. Yawn and smile, say what direction shall we take? Somewhere where it's warm and wet, this bit of route we'd always take. And our weapons were our instruments, made from a timber and steel. We never yielded to conformity, but stood like kings in a chariot that's riding on a record wheel. Our weapons were our instruments, made from a timber and steel. We never yielded to conformity, but stood like kings in a chariot that's riding on a record wheel. Our weapons were our instruments, made from a timber and steel. We never yielded to conformity, but stood like kings in a chariot that's riding on a record wheel. While we're smoking, now we're feeling extra hot. And we sneak into a car park with the skaties on our back. When we're flying down the level, sailing on the attack, now on the attack. And battles, they happen in these dance halls. See, we'd rather fight with music, choosing one, the rhythm war. Battle at the friends, it's engraved into these songs, so they know I'm not forgetting them. See, maybe if the world contained more people like these, then the news would not be telling me about all our warfare endlessly. And our weapons were our instruments, made from our timber and steel. We never yielded to conformity, but stood like kings in a chariot that's riding on a record. Alors toi, tu es concerné par ce truc d'Agio qui a donné des terres aux agriculteurs, parce que ta caravane, elle est au milieu d'un champ qui a été pris par un agriculteur. Oui, alors moi, ma caravane, elle est sur un champ qui va être repris par un agriculteur. C'est aussi, il y aura peut-être d'autres personnes qui vont s'installer sur ce champ. Et c'est aussi un champ qui a été utilisé pour faire notamment un village l'année dernière en été. C'est un champ qui est quand même un peu dédié aux événements. Et ça a été utilisé aussi notamment tout le mois d'avril pour les semaines de partage, la semaine d'échange, la semaine artistique. Donc c'est quand même un champ qui a une certaine signification. Et donc on n'est pas vraiment, on n'est pas d'accord pour que ce soit utilisé comme n'importe quel autre champ d'ailleurs qui est concerné en fait par cette redistribution par AGO. Surtout que c'est, enfin pour moi c'est vraiment une action hyper violente de leur part, puisqu'ils se servent des agriculteurs pour ils sèment la discorde quoi. Ils ont pas besoin de venir nous expulser, ils laissent le sale travail aux agriculteurs, et c'est vraiment, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est fait pour nous diviser encore plus quoi. Ils reprennent les terrains aux agriculteurs et puis en fait ils leur laissent pendant 6 mois, ensuite ils vont les reprendre. Enfin je trouve que c'est vraiment les prendre pour des cons et les utiliser quoi comme des pions, et du coup encore plus encore plus nous diviser. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ces champs là et a priori ces champs ils vont être utilisés pour semer du maïs, donc c'est du maïs qui est forcément maïs OGM ou maïs, enfin peut-être pas OGM, mais en tout cas plein de pesticides, puisque de base les champs, enfin la plupart des champs qui vont être utilisés, c'est des sols qui sont morts, donc qui sont pas cultivables au départ. Donc il faut absolument rajouter plein de pesticides, et donc on est aussi directement concerné, parce que à la fois c'est encore la terre qui va se remanger plein de pesticides, plein de trucs dégueulasses, et nous on habite juste à côté. Il y a aussi les animaux qui vont se promener dans les champs, nous on habite à côté, donc on va être directement concerné. Et il y a aussi un problème, ça pose vraiment le problème de qu'est-ce qu'on fait de cette terre là quoi. Est-ce que c'est aussi se battre que contre un aéroport, c'est se battre contre un aéroport, mais aussi on n'est pas non plus d'accord en fait avec ce qui est fait de ces terres quoi. Au départ on n'est pas pour l'agriculture intensive, donc là on se retrouve confronté à vraiment qu'est-ce qui est fait avec comment sont cultivés ces terrains, et du coup d'une manière assez c'est dégueulasse quoi. Donc ce qu'on aimerait, ce serait pouvoir discuter avec les agriculteurs, déjà leur faire prendre conscience que ils se font utiliser, et peut-être que tant qu'à être tant qu'à reprendre ces terres, si vraiment ils veulent les reprendre, bah, peut-être essayer de faire un effort pour cultiver quelque chose d'un peu plus propre. Donc on leur propose des semences un peu plus propres. Je crois que de toute façon ils y perdent pas grand chose parce que ces terrains-là au départ ils sont pas censés les avoir, donc c'est un petit plus qu'ils auraient. Donc s'ils faisaient ce pas, en fait ce geste de mettre des semences propres, ce serait au moins montrer qu'ils en ont pas rien à foutre et qu'ils s'engagent un petit peu dans cette lutte. Et voilà, qu'on n'est pas que les squatteurs contre les agriculteurs, mais qu'on se bat contre un ennemi un peu plus grand que ça. Trop nombreux sont ceux qui ont oublié le passé. L'histoire de l'homme, une honte, faut-il te le ressasser? Le monde, une spirale où les mêmes erreurs sont retracées. À force de côtoyer l'horreur, nos cœurs sont devenus glacés. Nous parlent que de profit, la condition de l'homme effacée. Mondialisation et concurrence sont leur unique phrasée. Les peuples unitéralement écrasés, la création menacée. Multinationales et croissance ont tracé leur route sur nos libertés. Ils ont juré, craché, et créé un entravera la leur. À l'heure où les dictatures sont cachées, à cause de leur profit immédiat, l'avenir est gâché. Cette bande d'ingrats ont réduit la planète à un grand marché. La loi des plus riches et beaucoup crèvent avant d'être âgés. Protestations dites criminelles si tu les as outragés. Ils mentent lorsqu'ils disent que le mal-être n'est que passager. Puis s'étonnent quand la nature se rebelle comme un peuple enragé. Ils sont transparents alors que de sang leurs mains sont tachées. Déconseillent fortement d'avoir des idées trop engagées. Accélération de leurs plans depuis que des avions se sont crachés. Et toi, dis-moi dans quel sens au système es-tu attaché? Ils prêchent le blasphème et la vraie lumière se fait lyncher. La corde au cou dans certains pays, elle a lâché. Parle de justice alors qu'à la racine ils l'ont arraché. Les plus gros engrais sur la tête de ceux qui n'ont rien à mâcher. Voilà le monde aujourd'hui, paraît que leur plan a marché. Nous vendent un progrès technique qui dans le fond a tout saccagé. Parle d'évolution quand notre humanité s'est fait hacher. Notre cœur ne bat plus vraiment et notre inconscient est fâché. Stress, angoisse, cancer, dépression, notre compte s'est chargé. Mais on ne cherche pas la cause et les effets qu'on aimerait chasser. Philosophie fast food pour que nos consciences soient terrassées. Au nom de la dignité humaine, nous avons dit assez. Désobéissance civile. Désobéissance civile. Désobéissance civile. C'est une résistance contre un système qui crée le terreau favorable à la haine de l'autre, au racisme et au mépris. Le refus de coopérer, de collaborer avec l'autorité. Même si on marche séparément, on doit frapper ensemble. Il y a quelque chose, une injustice quelque part, on descend tous. Il y a un problème quelque part, on descend tous. Une place et de la désobéissance civile, c'est pas de la violence. On a une place énorme, une responsabilité énorme dans ce qui s'est joué et ce qui se joue et ce qui va se jouer dans l'avenir. Ils se sont rendus compte que ça va créer des problèmes peut-être avec les squatteurs? Ah ben oui, parce que à un moment, c'est ce que je te disais, c'est que moi je m'entends bien avec les gars qui sont ici. Quand tu t'entends bien, quand tu discutes bien, c'est facile de s'organiser. Tu vois, par exemple, la parcelle qui est ici, là, ils m'ont demandé si je pouvais mettre de la semence de maïs non traitée. D'accord? Parce que ça les intéresse, ils ont des ruches à côté, donc ils n'ont pas envie d'avoir des soucis avec ça. Moi, je suis complètement d'accord, c'est pas un problème, ça. S'ils veulent mettre de la semence de maïs non traitée, moi, je veux bien. Moi, je ne prends pas de risque, si tu veux. Du moment que moi, je récupère le maïs pour alimenter mes animaux, après, que ce soit de la semence traitée ou non traitée, c'est pas un souci. Le problème, c'est quand tu ne t'entends pas. Quand tu discutes pas, parce que le problème c'est quand tu discutes, ils sont venus hier, on a pris un café, ils sont restés 2 heures. Tu discutes, tu t'expliques. T'es pas d'accord sur certains modes de fonctionnement, tu trouves un accord. C'est pas. Mais si tu te fermes, comme de l'autre côté là-bas Serge avec ça va poser des problèmes évidemment. « J'allume mon poste de télé pour admirer ce qu'il s'y passe. Un milliardaire s'en va en l'air, toute l'atmosphère pour voir l'espace. Je troque son bol d'air et sa cuillère contre un petit verre sur ma terrasse. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos petites têtes? On s'entasse tous comme des sardines dans les grosses boîtes que l'on conserve. Le petit poisson doit suivre sa ligne. Dans les grosses boîtes que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline, de vivre seul dans une maison avec la vue sur ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. J'ai proposé aux gens de la Belliche là qui sont nés l'autre jour. J'ai dit, ben, j'ai dit dans ce cas-là, si Christophe il prend votre chant là, ben, je dis prenez donc ça. Parce que moi en fait là, t'as une convention qui te lie à Géo pour effectuer la parcelle correctement. Ouais, et c'est quoi la convention? Ben c'est simple, hein, je veux dire. Par contre, ben, c'est qu'il n'y ait personne dessus, quoi. C'est que moi je fasse de l'agricole. D'accord. Mais sauf que la partie qui est pas à moi là, eh ben je m'en fiche moi qu'il y ait quelqu'un dessus. Bah, oui. C'est pas mon ressort, ça convient pas de. Ça fait pas partie de la convention. Oui. D'accord. Donc moi je m'en fiche. Hein. Donc voilà. Donc en fait, AGO il est venu me faire signer ça. Ouais. Et donc il a commencé par s'engueuler. Ouais. Pour l'attribution arbitraire avec des gens qu'on n'avait pas besoin. Bon, je dis Christophe, il en a besoin parce qu'il en perd quand même pas mal. Chava, il n'en a pas besoin parce qu'il perd absolument pas de terrain. Donc j'ai dit, si c'est géré par la FNSEA. C'est vrai que c'est ce qu'on a arrêté, c'est ça? Non, Chava, c'est juste à côté là. Ah d'accord, ok. J'ai dit, si c'est géré par la FNSEA de Chava, je dis, c'est pas la peine. Il n'a pas aimé, évidemment. Mais bon, j'ai dit, voilà. Je dis, il faut être conscient du truc. J'ai dit, il y a des gens qui en ont besoin. Je dis, alors vous vous réfugiez derrière le terme de dire, il y a eu 2 années de sécheresse, on va donner les terrains libres aux exploitants. Mais je dis, c'est nous qui devons virer les gens qui y a dessus. Je dis, mais ils t'ont répondu quoi? Ah ben non, faut pas le prendre comme ça. Voilà. J'ai dit, moi je m'entends bien. Je m'entends bien avec les gars là. J'ai dit, y a pas de souci. Je dis, mais par contre, j'ai dit, si on va de l'autre bout là-bas, je dis, où ça vole un petit peu. J'ai dit, comment qu'on va faire là? Ah ben, je sais pas. Ah ben, j'ai dit, non, moi non plus. J'ai dit, moi je vais trouver un terrain d'entente avec eux. Je dis, c'est pas un souci. Mais je dis, voilà. Je dis, dans la mesure où vous proposez aux agriculteurs, je dis, c'est pour que c'est les agriculteurs qui envoient les gens dehors. Alors que les gens, on les aime bien et qu'on les veut avec nous pour le combat. Y a trop de feux rouges dans les grandes villes, j'ai préféré me mettre au vert. J'ai plus de bonheur à vivre en paix que m'admirer au fond d'un verre. Je boirais l'eau saine de mon ruisseau plutôt que l'eau sale du fond de la Seine, chargé en plomb et en histoire que la surface ne laisse plus voir. Je ferai des bandes pour m'éloigner, pour me retrouver face au miroir. Juste une seconde de vérité pour que mon passé coule sous les ponts. Je ferai des bandes pour m'éclipser, pour me retrouver face à que dalle. Juste une seconde de vérité pour contempler ce qu'on est tous. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline. Si vous allez planter du maïs pas traité, ça veut dire qu'il n'y aura pas du tout des pesticides? Non. Pas du tout? Non. Pas d'insecticides, surtout pas d'insecticides. Les pesticides encore, ça c'est autre chose. C'est des herbants. Mais les insecticides, c'est ce qui tue les petites bêtes qui volent. Donc souvent, c'est dans la semence qui est enrobée avec ce produit-là. Par contre, les pesticides, je suis bien obligé de désherber, ou alors il faut que je fasse de manière biologique, quoi, mécanique. À la cumin, c'est faisable ça. Mais les pesticides sont moins nocifs que, enfin, sur une parcelle comme ça que sur un insecticide. Les herbicides, vous dites. Oui. Ouais. Dans une maison avec la vue, tu m'as raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Ce qu'on peut dire, c'est que du côté agriculteur autour de Notre-Dame, là, on s'était mis d'accord et on s'est organisé pour demander une gestion collective de ces terres-là. Qu'elles ne soient pas attribuées à un tel. Parce que quand elles sont attribuées, déjà la plupart des agriculteurs vont leur prêter des terres pour une année, après ils considèrent que c'est à eux et que c'est un dû. Voilà. Et puis on ne souhaitait pas que ce soit le moyen d'agrandissement soudain de quelques-uns sur les dégâts que fait ce projet d'aéroport. Et voilà, il y a donc cette position a été sous présentée en commission, etc. Et pour dire voilà, c'est arrivé à un clash. Donc c'est la FNSEA qui ne nous suit pas et AGO qui ont décidé non, ce sera distribué par AGO. Voilà, donc là, voilà, nous on n'a pas, ça a été au-delà de l'efficacité que l'on peut avoir. Ensuite, la distribution s'est faite et voilà, donc je pense qu'on peut dire quand même que quelques agriculteurs ont pris quelques parcelles et légères en coordination légère, en respectant les squatteurs qui sont installés sur une partie de ces parcelles. Hein. Soleil à l'horizon, ça fait longtemps que je l'attendais, la petite lueur de la raison. Une petite chanson au clair de lune pour réchauffer le cœur de pierre, le grand retour à l'essentiel, le feu de bois éclaire le ciel. Il semble qu'il reste des cas non réglés à certains endroits, mais je pense qu'il faudra l'étape, ce sera d'en discuter, de voir s'il y a une solution avec l'agriculteur qui a obtenu ça, mais ce sont pas des gens sûrs avec qui moi je peux discuter quoi. Les relations ne sont pas suffisamment bonnes. Nous avons une approche très différente du sujet aéroport et il n'y a plus de dialogue possible entre nous quoi. Le grand retour à l'essentiel, le feu, le bois éclaire le ciel. La mélodie de la nature reprend ses droits sur la folie. C'est toute la vie qui nous observe que l'on oublie au fil du temps. La mélodie, celle de la vie que l'on consume à chaque instant. Tous nos acquis s'écrasent au sol et j'ai choisi la clé des champs. C'est qu'il va pas faire dans la demi-mesure, hein. Je pense pas. Mmh. Donc. Si c'est le gendarme, c'est pas le pire. Hein. Non, mais je veux dire, voilà, lui, il va se réfugier derrière ça. Il va se dire, attendez, moi je prends le champ, mais le champ, normalement, il est propre. Il n'y a personne dedans. Voilà. Les gens, il y a des gens dedans, ils veulent pas partir. Gendarme. Est-ce qu'il y a parmi les agriculteurs quelques-uns qui seraient prêts à nous défendre? Ah, ça, c'est autre chose. Parce que, ouvertement, il y a très peu qui se positionnent et qui disent nous, on n'aime pas cette lettre et on veut aider aux squatteurs pour qu'ils puissent rester. Alors, le problème, c'est pas de d'y aller ouvertement, c'est de s'engager à y aller dès que vous avez besoin. Mmh. Le problème, tu sais très bien qu'on a notre métier. Voilà quoi. Et donc, arrive un moment, ça coince. J'ai choisi la clé des champs. Et puis, merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue, tu m'as raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Et puis, merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Seul dans une maison avec la vue, tu m'as raison. Sois pas raison avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferai peut-être agriculteur. Christophe, il a. Ah oui, tu es dans le sens. Donc lui, il a la 17. Il a la 17, il a la 19, il a la 20. Ah ouais, il a la 16. Putain! Voilà. Ah ouh! Oui, c'est Joël qui a ça. Ouais, ça je sais, ouais. Et lui, on donnait tout ça. Oui. C'est énorme. Ah ben oui. Par rapport à toi, c'est énorme. Ah ben oui. Pourquoi il y a une disparité comme ça? Alors après, c'est vrai qu'il est très concerné là-bas, donc il en perd beaucoup plus que moi. Moi, j'en perds que 4 hectares. Ok, ok, ok. Ouais, d'accord. Okay, j'en perds 4 ici, j'en récupère 4 là. Ouais, ouais, ok, d'accord. D'accord. Lui, je sais pas combien il en perd. Ouais. Il en a quand même un paquet, quoi. Ouais, d'accord. Donc okay. Voilà. Okay. C'est plus par rapport à lui. Moi, je ne dis rien parce que c'est lui qui est le plus concerné pour l'instant. Okay, okay, okay. Par contre, mes voisins de Chavagne, hein, ils en récupèrent apparemment à côté de Sylvain là-bas, sur la route de Fée, là. Ouais. Là, c'est là sans doute, je pense. Ouais. Et alors qu'ils en perdent pas ici. D'accord. Donc tu vois bien que là, il y a un problème de dysfonctionnement. Bah oui, forcément. Donc voilà. Et si le blé me file du bonheur, je me ferai peut-être agriculteur. Au contraire, je lui expliquerai que je suis pas d'accord avec avec ce système de d'attribution voilà. Ouais, ouais. Donc moi j'ai laissé tomber. Ouais, la DK s'est partirée, c'est ça ou... Alors moi je me suis pas prononcé du tout. Ouais. Et par contre Sylvain a dû rencontrer les gens d'à côté. Mmh. Et il y a eu une réunion pour partager les terrains. Ouais, ouais. D'accord. Ouais. À partir de ce moment là ouais. Et quand ils se sont rendu compte que moi j'avais pas postulé, ça les a fait chier. Ouais. Et donc ils se sont dit, bah, attends, on va appeler Jacques quand même. Donc ils m'ont appelé et ils m'ont dit, bah, on t'en garde. Bah, je dis, écoutez, je croyais que tout était planifié avec les gars d'à côté. Donc je dis, voilà. Je dis, moi, on fait comme on veut, mais. Bah, il dit, on te laisse les 15 là. Bah, j'ai dit, parce que je dis, vous croyez que j'ai le plan là sur moi là? Je suis dans ma stabulation avec mes génisses là. J'ai dit, si j'ai pas le plan, bah, je sais pas où c'est que c'est, où c'est sur parcelle là. Donc c'est comme ça. Et puis après, bah, on m'a expliqué que c'était cela. Mmh. Donc voilà. D'accord. Mais moi, au départ, j'avais strictement rien. La chose extrêmement positive qui en ressort de la discussion avec ce paysan, c'est que de toutes ces terres qui ont été redistribuées, qu'on lui a redonnées, enfin que AGO a redistribué, et ben il est partant pour une expérience, c'est-à-dire nous confier il y a un hectare, un demi-hectare de terre pour que nous, enfin squatteurs, occupants, nous travaillons la terre à notre façon, en trouvant des semences biologiques ou en tout cas pas hybrides, quoi, enfin propres, des semences propres, de maïs, et qu'on les sème et qu'on les travaille et qu'on travaille le sol de notre façon. Et il nous encourage à le faire, quoi. Voilà. En gros. Nous, les agriculteurs sont contre nous, et en fait, on s'aperçoit que ça peut être vraiment fait autrement, quoi. En discutant et en poussant la discussion, il y a vraiment possibilité de trouver des solutions. ce que Christophe a dit. Ouais. Alors, Christophe a dit... Donc, nous, on allait voir, on était deux, et du coup, il est venu vers nous d'un air assez tranquille, quoi, comparé à ce qu'on nous avait dit. Et ce qu'il a dit, lui, c'est qu'il comptait mettre, faire du maïs sur la parcelle, sur les parcelles qui sont à côté du champ collectif. Et que les parcelles du champ collectif et de chez Lucie, les 17 et la 20, là, il avait gardé pour faire du foin en réserve de la sécheresse. Donc, du coup, il commencerait pas à partir de juillet, mais en plus, il est même pas sûr de le faire, parce que du coup, il y a peut-être pas de sécheresse cette année. C'est une bonne nouvelle. Voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Un autre truc, c'est qu'il y a un nouveau réseau qui s'appelle Toma la Tierra, et c'est un réseau qui s'est constitué pour coordonner un peu les différentes luttes qui se passent sur la péninsule ibérique, mais aussi sur ailleurs, les différentes luttes qui défendent la terre, c'est un peu ça. Et aussi pour diffuser les infos sur ça. Et ça se trouve sur le site Toma la Tierra, c'est TOMALATIERRA.com. Et là aussi, il y a une émission radio qui s'appelle avec le même nom, Toma la Tierra, qui a été fait 3 fois jusqu'à maintenant. Et la première émission, c'est aussi avec une interview sur la ZAD. Voilà, je crois que c'est super intéressant. Il y a plein d'autres choses, plein d'autres luttes de quoi ça parle, avec des gens de différentes luttes. Et c'est vraiment la peine de écouter ça. Et voilà. Gifts from Vansi. A few years ago, some residents resisting the construction of an airport in this rolling green countryside invited like-minded people to join them in defending their way of life against Vansi. These people would be from all over France, even from outside France, and they would have a variety of political ideas, interests, and skills. The residents knew that there was strength in diversity and strength in numbers. People did come, and they added themselves to the strength of the resistance. Vansi saw the strength of the locals and the squatters together and worried that all these muddy people might actually stop their airport. Vansi asked the police to monitor and harass them, asked the media to say that the squatters are violent idiots, and they told the locals how little their homes were worth and told them to cooperate or go away. Vansi hoped this would divide people and make them leave the campaign. But everyone worked together and made gardens in the city center. Conquest is difficult work, and maintaining control over people and land is tricky and expensive. The Romans knew this when they marched across the same rolling green countryside, so when Roman investors took ownership of the Loire and built Roman villas to control it, they chose local Gauls to manage the villas, the land, and the people. The investors themselves stayed far away, across the Alps or in North Africa, because they knew it was better to use the Gauls to control each other. Vancy knows this too, and they know how expensive and difficult it would be to push out all these muddy people. So they've decided to delegate the ugly task of uprooting the squatters to the locals themselves, and the easiest way for them to do this is with gifts of land. By letting local farmers use their land, Vancy hopes to turn them and the squatters who live on that land against each other. They think the farmers might even evict the squatters themselves, which would be very useful and cost nothing. But the spirit of unity is strong here in this occupied zone, and the local farmers and the political squatters will continue their tradition of compromise, discussion, and cooperation, whether they live far apart or harvest side by side. The policy of divide and conquer will not work here. Lines on a map aren't nearly as strong as the bonds we've forged in this campaign, and nothing that Vancy does or says to any of us can break them. Si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin canter, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores. Qué lucecitas montadas para escena, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en la que ronde, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida. Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas parecer. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Il y a quelques années, des résidents résistant à la construction d'un aéroport sur cette verte campagne ont invité les personnes partageant leurs idées à les rejoindre dans leur lutte contre Vinci. Ces personnes pourraient venir de n'importe où en France ou même d'ailleurs, et ils seraient une source variée d'idées politiques, d'intérêts, de connaissances et de savoir-faire. Ces résidents savaient que l'on tirait une force de la diversité et du nombre. Des gens ont répondu à cette invitation et se sont investis dans cette lutte. Vinci s'est rendu compte de la force des locaux et des squatteurs et que tous ces gens pleins de boue agissant ensemble pourraient, en fait, arrêter ce projet d'aéroport. Vinci a alors demandé à la police de les surveiller et de les harceler, aux médias de faire passer les squatteurs pour des imbéciles violents et a dit aux résidents que leur maison n'avait aucune valeur et qu'il ferait bien de coopérer ou de partir. Vinci espérait ainsi créer une division et faire que les gens quittent la lutte, mais tout le monde travaillait ensemble et faisait des jardins dans le centre-ville. Le travail de conquête est difficile et maintenir le contrôle sur les gens et la terre n'est pas aisé et coûte beaucoup d'argent. Les Romains savaient ça quand ils marchèrent sur cette même verte campagne. Donc, quand les investisseurs romains acquérirent la Loire et construisirent des villas romaines pour les contrôler et choisirent des locaux pour gérer ces villas, ces terres et les gens. Les investisseurs restèrent loin de là, de l'autre côté des Alpes ou en Afrique du Nord, sachant qu'il était mieux d'utiliser les autochtones pour qu'ils se contrôlent mutuellement. Vinci le sait aussi. Il sait combien cher et difficile l'expulsion de tous ces gueux serait. Alors ils ont décidé de déléguer aux locaux la tâche ingrate de déraciner les squatteurs. La façon la plus facile d'y parvenir est de leur offrir des terres. En laissant les agriculteurs paysans utiliser leurs terres, Vinci espère retourner ceux-ci contre les squatteurs. Il croit de ce fait que les agriculteurs en viendraient à expulser les squatteurs par leurs propres moyens, ce qui lui serait utile et ne lui coûterait rien. Mais l'esprit d'unité est très fort dans cette zone occupée. La tradition de compromis, discussion et coopération perdurera entre les agriculteurs paysans et les squatteurs politiques, qu'ils vivent à proximité loin des fermes. La politique de conquête et de division ne fonctionnera pas ici. Des lignes sur une carte ne peuvent pas être aussi fortes que les liens forgés dans cette lutte, et rien de ce que Vinci peut dire ou faire ne pourra détruire cette union. Vou da coisa pra levar. Sem quase nada pra fazer. Sem muita coisa pra dizer. E pra começar, pode me chamar que eu vou. Eu vou. Quando me quiser, eu vou. Eu vou. Eu já tô aí. Você vai cair. Il y a aussi des choses qui se passent. Rennes Métropole veut détruire les prairies de Saint-Martin pour y construire un parc urbain naturel. Mais il y a des gens qui s'opposent. On a parlé avec quelques-uns des opposants. Alors, parc urbain naturel, ça m'évoque juste des images très belles et jolies. Quelque chose très vert. C'est le blabla du blabla des communicants minables, des publicitaires experts en greenwashing. C'est le blabla. C'est le blabla du blabla des communicants minables. Méfiez-vous de l'arbre qui cache la machine. Bah ouais, c'est un peu le... C'est un peu la difficulté parce que... On pourrait vite nous demander, mais pourquoi est-ce que vous vous opposez à un parc écologique? Voilà, c'est l'écologie, il n'y a pas de mal à ça, quoi. Et en fait, il y a un peu une entourloupe derrière ça, parce qu'on peut dire que c'est déjà un espace, de fait, un espace de nature, quoi, et qui n'est pas à transformer en parc naturel, parce que, en fait, ça va juste rendre les lieux tout simplement inappropriables, inutilisables, et ça sera juste un lieu de passage. Et ce qu'ils veulent faire en gros, c'est donc supprimer tous les jardins ouvriers qui sont là, donc qui existent depuis presque 100 ans. Et donc en fait, si ce lieu-là, il existe comme il est, c'est aussi grâce au travail des jardiniers qu'on fait des haies, qu'on fait qu'on plante des arbres et tout ça. Donc le lieu il est aussi, il existe grâce à eux, tel qu'il est quoi. Donc il n'y a pas besoin de ramener de la nature, créer un parc naturel, qu'en fait c'est complètement créé de façon artificielle quoi. Et d'ailleurs ils vont d'abord passer le bulldozer sur certains endroits, ils vont même enlever de la terre, etc. Et nous on aimerait bien porter un peu une autre idée de l'écologie qui est plus... l'idée qu'on peut, qu'il faut plutôt essayer de chercher à habiter les milieux, et les milieux, surtout les espaces de nature qui restent en ville, les derniers espaces de nature, et qu'il faut essayer de les, pas seulement de les protéger, mais de les utiliser, et pour par exemple chercher à travailler sur plus sur notre l'aspect de l'autonomie alimentaire, et parce que on sait très bien que, enfin, on est un peu devant un choix, c'est soit on urbanise, on fout du béton partout et du coup on est complètement dépendant de structures, bon voilà, des grandes structures industrielles, supermarchés, tout ce qui peut s'apparenter au capitalisme, ou soit on essaie de garder des espaces à partir desquels on peut arriver à retrouver un lien avec ce qu'on mange, et un lien de proximité avec ce qu'on mange, et retrouver les savoirs qui bien souvent ont été complètement perdus, parce que nous, les jeunes, on a un peu une gêne, enfin les jeunes, enfin je sais pas, les gens de 20, 30 ans, etc. C'est les gens, moi, mes parents m'ont jamais appris le jardinage, enfin, il y a tout un truc à réapprendre ou à s'approprier. J'ai l'impression que plus on supprime ces endroits, moins on aura d'endroits où on peut s'exercer à ça et développer une sensibilité un peu à ces espaces-là, quoi. Il y a 2 semaines, il y avait une manifestation du centre de Nantes jusqu'aux prairies où les gens ont occupé les terrains. Comment ça s'est passé ? Eh ben, on est parti du centre-ville. On est parti avec des outils de jardinage, des plants, des semis, etc. Et on s'est baladé un peu dans la ville et on est arrivé. On a terminé la manif dans les prairies Saint-Martin, donc qui sont l'endroit qu'on va occuper, qu'on veut un peu sauver du projet de la mairie. Et donc voilà, là c'est en cours, on a fini de bêcher les parcelles qu'on a ouvertes. Et j'imagine ce soir il y a peut-être des gens qui vont commencer à planter. Et il y a une fête qui se prépare et à manger et à boire, voilà, pour l'instant. De l'urbanisation. De l'urbanisation. Ouais, il faut savoir que Rennes, il y a un peu une transformation depuis, je sais pas, 10 ans. Donc il y a tout ce truc de devenir une métropole à dimension européenne. Et ça fait que nous, on essaie de faire comprendre aussi que ce projet de parc là, c'est inscrit dans une dynamique plus large qui l'englobe, et qu'on peut mettre en lien avec d'autres projets qui sont en gros tous des projets de dépossession des espaces populaires entre guillemets quoi. Et on va pas du tout là vers une ville populaire avec la métropolisation, mais une ville des cadres, des bobos, des hommes d'affaires. Et donc il y a le projet Euro-Rennes qui est donc avoir une gare, ils vont refaire la gare en fait. Et voilà, faire que Rennes soit encore plus accessible rapidement, qu'il y ait encore plus de gens qui puissent venir comme ça une journée pour le travail, qui puissent repartir chez eux à l'autre bout de la France, et que ça soit connecté, voilà. C'est aussi pour des besoins de l'économie, quoi, d'accélérer toujours les échanges économiques. Il y a aussi un projet de faire alors c'est dans un vieux couvent, de faire un centre des congrès. Donc ça, c'est en plein centre de Rennes. Alors cet endroit, il pourrait très bien être un espace, je sais pas, une maison du peuple, etc. Mais la mairie a décidé que ce serait un centre des affaires, donc avec des congrès, des colloques, d'hommes d'affaires, quoi. Et que le parc naturel, t'as l'impression que ça a un peu le petit plus nature qui fait que la ville, elle a la belle image, elle peut attirer des gens qui viennent s'installer, voilà. Donc, sauf qu'au bout du compte, on perd complètement l'élément populaire. Et on perd cette capacité d'appropriation des lieux, parce que si les lieux sont uniquement dédiés à l'économie, en général c'est des espaces assez policiers ou policés, je sais pas comment dire, quoi, mais qui sont plus appropriables, quoi. crise qu'on... La catastrophe... Crise qu'on... La catastrophe... Ouais, c'est sûr, c'est des choses qu'il faut essayer de lier, et de, enfin surtout pas séparer, quoi. Et que c'est pas juste jardiner pour jardiner, mais que... On sait très bien que la crise économique qu'on traverse, elle a plutôt tendance à... Par exemple, ce qui se passe en Grèce, c'est les gens dans les villes. Ça prouve bien que s'il n'y a pas d'espace de nature, on est complètement dépendant. Les gens dans les villes en Grèce commencent à faire. Enfin, ils commencent. Ça veut dire un moment, ils font les poubelles. Il y a énormément de formes de débrouille qui se développent pour récupérer de la bouffe et tout ça. Et ça, c'est dû évidemment à la crise économique, quoi. La bouffe est hors de prix dans les supermarchés, j'imagine. Il y a aussi des maraîchers qui vendent des pommes de terre à prix coûtant. Qui ne sont pas passés par les circuits industriels. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui va se passer ? Mais on a lancé une dynamique de résistance, donc c'est de nourrir un maximum cette résistance-là. Donc j'imagine que ça pourra venir être alimenté par plusieurs événements, plusieurs façons de s'approprier la chose. Alors pour l'instant, nous, on est dans la phase d'occupation, donc c'est ouvrir un maximum de terres, appeler un maximum publiquement les gens à se réapproprier des terres. S'il y a des gens qui attendent d'avoir des terres, et ben c'est leur dire. En fait, nous, on aimerait bien trouver les listes d'attente et leur dire, ben voilà, vous savez qu'à cet endroit, en fait, pendant un an au moins, parce que le projet la fin des expulsions, elle sera fin 2012 et fin 2013, je crois. Été 2013. Et donc tout pendant ce temps, essayer de se réapproprier un maximum les lieux pour qu'à un moment, on se les soit tellement appropriés que ça devienne pas possible de nous les enlever, quoi. Et puis voilà, quoi, la résistance est encore à inventer. L'idée, c'est d'apporter vraiment des éclats de vie, quoi, des éclats de vie ici aux prairies, dans la ville, par des projections sauvages, par des repas. C'est vraiment décloisonner un petit peu justement des espaces ou des zones urbaines qui ne sont plus vraiment des quartiers en fait. Dans la ville de Rennes, il n'y a plus vraiment de quartiers, hormis. C'est un grand tout, quoi. Et du coup, c'est vraiment essayer de travailler quelque chose d'assez fort, d'assez intense dans l'idée de la joie, mais aussi dans la profondeur aussi de réflexion, d'un tout aussi, et d'essayer d'apporter ça aussi à l'échelle de la ville, quoi. De faire en sorte que ce soit pas lié qu'à la ville de Rennes aussi, mais que ça soit lié aussi à d'autres espaces comme Notre-Dame-des-Landes, comme plein de luttes de territoire qui se passent ici et ailleurs, quoi. Voilà, ouais. Peut-être ça pourrait être un axe pour essayer de lier des luttes entre elles qui sont pour l'instant assez dispersées. Enfin, nous, moi j'avais proposé ça, mais ce serait plutôt peut-être de travailler autour de la thématique libérer les espaces, mais que ça puisse se comprendre sur diverses modalités. C'est libérer des espaces pour faire des potagers, mais aussi pour occuper des maisons vides, c'est-à-dire tout le problème autour du logement. Libérer les espaces pour, aller dans un pôle emploi et y imposer des refus de radiation, imposer des fonctionnements autres, libérer momentanément un espace si on veut, quoi. Je sais pas, après, ce serait à nous d'être assez intelligents pour trouver des manières de se lier sur des luttes similaires et en même temps sur des luttes différentes, quoi. Et c'est pour ça que c'est un peu, ce serait intéressant de voir les liens qui pourraient exister avec Notre-Dame-des-Landes. Je sais qu'il y avait des gens de la ZAD ici aujourd'hui. Et qui sont venus en soutien. Nous, on va aussi là-bas des fois. À Dijon aujourd'hui, il y avait aussi une occupation de terre, enfin un anniversaire d'occupation de terre qui a eu lieu il y a 2 ans. Et donc, il y a aussi quelque chose qui se passait en Andalousie. On nous a dit tout à l'heure un mouvement de sans-terre qui se rappropriait des espaces de culture. Et voilà, ce qu'il nous reste à faire, je pense, c'est au-delà de sauver les prairies Saint-Martin, c'est de, à travers cette occupation-là, comme point de départ, essayer de créer des foyers un peu qui se relient entre eux, qui essayent de se coordonner un peu sur des thématiques similaires, pour montrer que ben il y a des gens qui luttent et qui sont. Et enfin, si on se visibilise pas nous-mêmes, personne le ferait pour nous, quoi. Et qu'il y a un moment, ce serait intéressant de passer un peu à un niveau supérieur, de dire, ben, ouais, regardez, ça s'organise. Enfin voilà, quoi, entre guillemets. Quoi. À Rennes, il y a aussi des choses qui se passent. Rennes Métropole veut détruire les prairies de Saint-Martin pour y construire un... Okay. Eh ben, bonjour à tous, à toutes. C'est pour faire une petite intervention qui nous vient d'Espagne, du sud de l'Espagne, qui nous est envoyée via le Forum Civique Européen. Et c'est pour faire écho d'une occupation de terre qui se fait depuis fin mars, Et ce texte, eh ben, je vais vous le lire. Il s'intitule « Tierra y Libertad » en Andalousie aujourd'hui. Ouvrez les guillemets. Notre philosophie peut se résumer de la façon suivante. La terre, comme l'air et l'eau, est un don de la nature que personne ne peut s'approprier pour son profit individuel ou pour son enrichissement privé. La terre est un bien public, propriété du peuple, qui doit être à l'usage et à la jouissance de ceux qui y vivent et qui la travaillent. Si alors la terre n'est à personne, la propriété de la terre est un vol. C'est pour cela que nous demandons l'expropriation sans indemnisation. Extrait du programme pour la réforme agraire voté lors du 3e congrès du SOC à Marinaleda en octobre 1983. Fermez les guillemets. 30 ans après la grande époque de ces occupations massives de terres, le syndicat andalou d'ouvriers agricoles, Sindicato de Obreros del Campo, SOC, vient de renouer avec cette tradition. À 11h du matin, le 4 mars, 500 journaliers agricoles et membres du syndicat ont envahi la Finca Somonte dans les riches terres de la plaine de Guadalquivir, près de Palma del Río, dans la province de Córdoba. Ce domaine de 400 hectares, dont 40 à l'arrosage, fait partie d'environ 20 000 hectares que la Junta, le gouvernement andalou socialiste, avait décidé de vendre aux enchères. La vente ou privatisation du domaine de Somonte était justement prévue pour le 5 mars. Qui dans l'Espagne d'aujourd'hui, frappée par une crise économique sans précédent et par un chômage touchant environ 25% de la population et 50% des jeunes, les chiffres pour l'Andalousie sont encore plus dramatiques, dépassant les 30%, pourrait en avoir les moyens nécessaires. Une famille richissime, une banque, une institution financière, en tout cas pas les habitants de Palma de Rio, village qui compte 1700 chômeurs. L'occupation dure déjà depuis une semaine. 30 personnes des villages des alentours se sont installées sur le lieu et ont commencé à travailler la terre, à semer salades, tomates, pommes de terre, oignons et autres légumes, d'abord pour l'autoconsommation. Elles sont aidées tous les jours par des dizaines d'autres venues de toute l'Andalousie pour appuyer l'occupation, dont deux hommes âgés qui connaissent fort bien cette ferme y ayant travaillé de nombreuses années. Ils ont apporté leur savoir-faire en précisant que ces terres sont très riches, mais que jusqu'à présent personne ne les a jamais vraiment mises en valeur. Un autre voisin de 83 ans a apporté des outils manuels qui ne sont plus utilisés dans l'agriculture intensive d'aujourd'hui. D'autres ont amené des semences, des plants, des poules. Parallèlement, il a fallu aménager les habitations afin de pouvoir loger tous les occupants et occupantes. Un électricien de Fuente Carreteros et un plombier de Palma del Río se sont proposés comme volontaires. Toutes les décisions sont prises dans des assemblées générales quotidiennes et des commissions ont été établies pour s'occuper de la logistique, des relations avec les médias, du nettoyage, des repas, du travail horticole. Cette ferme se trouve à 50 km de Marinaleda, grand bastion du SOC, où la municipalité a créé des conserveries et des ateliers qui pourraient transformer les produits de Somonte. Selon le SOC, la partie irrigable pourrait, dans une première étape, fournir du travail à au moins 50 personnes. La ferme pourrait à terme faire vivre beaucoup plus de gens grâce à la culture sociale de tout le domaine. Les occupants disent qu'ils ne veulent pas créer une coopérative de salariés, mais une coopérative de résistance assurant la survie et un lieu de vie pour de nombreuses personnes frappées par la crise. Au niveau régional et national, le soutien dépasse les milieux syndicaux venant également de mouvements écologiques, d'associations soutenant l'agriculture biologique, de groupes urbains. Le jeudi 8 mars, une délégation s'est rendue au département de l'agriculture à Séville, afin de demander que la vente du domaine soit annulée et qu'elle soit mise à la disposition d'une coopérative de travailleurs. Dehors, une manifestation de plus de 1000 membres du SOC les appuyait. Une nouvelle réunion a été fixée pour mardi, le 13 mars. C'est en 1978 que le SOC, deux ans après sa légalisation suite à la mort de Franco, a lancé les premières occupations de terres depuis la guerre civile. Elles ont surtout visé des latifundias appartenant à des familles aristocratiques, comme les 17 000 hectares du duc del Infantado occupés par les journaliers de Marinaleda en 1985. Le SOC est sans doute le seul syndicat européen à avoir officiellement réclamé la réforme agraire. En partie, il y a eu gain de cause, il a eu gain de cause et a pu créer des coopératives sur des terres occupées. À l'époque, la répression était très forte et des centaines de journaliers se sont trouvés inculpés aux tribunaux. Nous, c'est le Comité européen de défense des réfugiés et immigrés, CEDRI, précurseur du Forum civique européen, créé surtout par Longomaï, qui a mené cette campagne. En 1995, il a publié la brochure « Terre et liberté », la lutte des ouvriers agricoles en Andalousie. Nous avions alors lancé une campagne de solidarité internationale en organisant des tournées d'information dans toute l'Europe et en envoyant des délégations d'observateurs au procès. Cette fois-ci, même si la Guardia Civile suit de près l'occupation de la Finca Somonte, les autorités n'ont pas encore agi contre le SOC. C'est vrai que des élections régionales cruciales auront lieu le 25 mars où le Parti Socialiste pourrait bien perdre le pouvoir en Andalousie pour la première fois depuis la dictature. Depuis la fin de la dictature. Il est donc peu probable que la Junta lance les gardes civils avant cette date, d'autant plus que face à la crise, ce genre d'action est très populaire et que la colère de la population contre les gouvernants est grande, mais après le 25 mars. Le SOC a en tout cas lancé un appel à la solidarité locale, nationale et internationale. À nous de nous tenir prêts. Une présence européenne sur place serait une grande aide et rendrait moins probable une intervention policière pour évacuer la ferme. Un compte bancaire sera bientôt ouvert pour une caisse de solidarité financière. Dans l'immédiat, il serait très utile d'envoyer des lettres de soutien à l'adresse électronique indiquée ci-dessous. Cette action devrait être le début de la révolution agraire qui, en cette période de chômage, de pénurie et d'escroquerie néolibérale, nous manque tant. Aujourd'hui, toute alternative pour survivre avec dignité doit passer par la lutte pour la terre, l'agriculture paysanne et la souveraineté alimentaire. Ceci étant une conclusion du premier communiqué des occupants de Somonte, le 4 mars 2012. Même si le gouvernement a déjà pu vendre plus de la moitié des 20 000 hectares dont il était le propriétaire, il reste encore environ 8 000 hectares à occuper. Era um beco, um berequequê. Era um beco, um beco, um berequecá. Era um beco, um berequequê. Era um beco, um berequecá. Há muitos sóis, não te vejo. Muitas luas, não te beijo. Tantas estrelas queimando nos mares do meu desejo. Seja fruta todo açúcar e o amargor da realeza, pelos ares semeando essa estranha natureza. Era um becum, berequequê. Era um becum, berequecá. Era um becum, berequequê. Era um becum, berequecá. Ai, ai, ai, beleza. Ai, tambor, ai, padecer. Não quero chamar em vão os nomes do meu querer. Coca de penas, morena, coração, flecha ligeira. Primeira missa profana, silvestre abelha me beija. Era um becum, berequequê. Era um becum, berequecá. Era um becum. Era um becum, berequecá. Quase índio, Amazonas. Olho d'água, arco-íris. Eu vou te encontrar no sol. Ardente como a estrela, cadente no seu olhar. Paixão índia, canção negra. Tanta luz a nos queimar. Era um becum, berequecá. Era um becum. Era um becum, berequequê. Era um becum, berequecá. Ei, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém. Ei, a bacana muca que ninguém se quedou. Mamanana, anana, ané que ninguém, ninguém, ninguém, mamanana. as luas não te beijo, tantas estrelas queimando nos mares do meu desejo. Seja fruta, todo açúcar e o amargor da realeza, pelos raios semeando essa estranha natureza. Era um betum, berequiqui, era um betum, berequicá, era um betum, berequiqui, era um betum, berequicá. Ai, ai, ai, ai, beleza, ai, amor, ai, padecer. Não quero chamar em vão os nomes do meu querer. Coca de penas, morena, coração, flecha ligeira, primeira missa profana, silvestre abelha me beija. Era um betum, berequiqui, era um betum, berequicá, era um betum, berequiqui, era um betum, berequicá. Quase índio, Amazonas, olho d'água, arco-íris, eu vou te encontrar no sol, ardente como a estrela, cadente no seu olhar. Paixão índia, canção negra, tanta luz a nos queimar. Era um betum, berequiqui, era um betum, berequicá, era um betum, berequiqui, era um betum, berequicá, era um betum, berequiqui, era um betum, berequicá, era um betum, berequiqui, era um betum, berequicá. Aussi en Honduras, les gens se sont réappropriés de terres, selon RFI, journée de lutte paysan au Honduras. Au Honduras, des milliers de paysans et leurs familles ont envahi par surprise des terres qui appartiennent à des haciendas, grandes propriétés foncières, dont certains ont plus de 2500 hectares. Après quelques heures d'occupation, les terres ont été libérées sans violence de la part de leurs occupants. Avec notre correspondant à Mexico, Patrice Guy. Plus de 3500 familles ont occupé par surprise plusieurs milliers d'hectares appartenant aux grands propriétaires du Honduras. Ces invasions de terres ont commencé il y a plusieurs jours aux quatre coins du pays. Les paysans réclament une répartition des terres nationales afin de pouvoir cultiver le maïs et les haricots noirs dont leurs familles ont besoin pour se vivre. La population du Honduras est encore majoritairement rurale. 70% des paysans sont pauvres et 40% d'entre eux vivent au-dessus du seuil de pauvreté. L'agriculture du Honduras a été longtemps dominée par les compagnies américaines comme United Fruit. Elle reste aujourd'hui entre les mains d'investisseurs et les grandes familles qui possèdent d'immenses plantations de bananes, de palmes et de café, employant à très bas prix des ouvriers agricoles. Les associations de paysans sans terre, regroupées dans Via Campesina, ont annoncé l'appropriation de 12 000 hectares. Ces paysans se heurtent aux forces de l'ordre et aux armées blanches des grands propriétaires. Une violence qui a déjà fait 55 morts. Thank you. La terre appartient à ceux et celles qui la cultivent. Si on veut trouver plus d'informations sur des luttes rurales, on peut aussi se renseigner à viacampesina.org. Eux, ils récoltent des informations de partout dans le monde. Et par exemple, il y a un article de ce qui se passe au Mali. Mali, des paysans arrêtés alors qu'ils travaillent leurs champs. Bamako, le 23 avril 2012. Depuis 2009, les paysans et paysannes de l'Office du Niger, notamment ceux de Sanamadougou, Sao et Saint-Zadin, sont la cible d'injustices de la part de certains investisseurs. Ces injustices se sont manifestées par les bastonnades, des arrestations, des destructions de semis, des accaparements de champs et des sources d'approvisionnement en eau. Conséquence, des dizaines de familles vivent de la solidarité des autres villages car ils n'ont pas pu cultiver faute des champs depuis 3 ans. Malgré de nombreuses démarches entreprises par les villageois auprès des autorités à tous les niveaux, la situation demeure. À l'approche de la campagne agricole, les paysans de Sanamadougou et Sao ont commencé ce jour 23 avril 2012 les préparatifs à leur grande surprise. Mommy coming with a concert lyrics that they have a flashy from beginning to end. The way some people love money, I man just can't comprehend. That's why me pick up me paper, pick up me pen, and write this a lyrics for them. The love of money is the root of all evil. Believe me, my brethren, it's true. The love of money is the root of all evil. My sisters, I'm talking to you. The love of money is the root of all evil. For if people cheat and kill, the love of money is the root of all evil. And in this time for it, no blood it has been. Why do you want money? Some people they say, without it they just can't live. Well, in this modern world, that say may be true, but some people just want to live big. Some people with riches, they only want to receive and don't ever want to give. Full of lust and greed, young for material things and not a care for the poorer masses. The love of money is the root of all evil. Believe me, my brethren, is true. The love of money is the root of all evil. My sisters, I'm talking to you. The love of money is the root of all evil. For if people cheat and kill, yes, the love of money is the root of all evil. And in this time for it, no blood it has spilled. Why do you want money? Some people, they say, to improve their life and that of others. They want to contribute to the suffering youth, their international sisters and brothers. They want to upgrade the schools so they can improve the youth level of education. Yo, get up out of the seat. On the elderly supply, healthcare and medication. The love of money is the root of all evil. Believe me, my brethren, it's true. The love of money is the root of all evil. My sisters, I'm talking to you. The love of money is the root of all evil. For if people cheat and kill, yes, the love of money is the root of all evil. And in a piece of life, you love blood and nothing. Our world has said that it's easier for a camel to pass through the eye of a needle than for a rich man to enter in the kingdom of Jah. I mingle with the righteous people. So the rich and better off should identify in which category do they belong. The charitable and benevolent are selfish and greedy. Think clearly and remember this song. Some want money to establish industry, create work and bring down unemployment. While others want to show off, look at others and laugh and only care about their own enjoyment. There are those who are charitable and those who care for their community and environment. While some people to protect the riches, they buying guns in a big consignment. But the love of money is the root of all evil. Believe me, my brethren, it's true. The love of money is the root of all evil. Assistance, I'm talking to you. The love of money is the root of all evil. For if people cheat and kill, the love of money is the root of all evil. And for it, in this time of blood, I say, why do you want money? Some people, they say, without it, they just can't live. Well, in this modern world, that say it may be true, but some people just want to live big. Some people with riches only want to receive and don't ever want to give. Yo, full of lust and greed for material things and not a care for the poorer masses. The love of money is the root of all evil.